nucléaire famine, le mène à la mine, les mômes très tôt, des tropiques au trottoir, on oublie trop tôt, des gosses naissent, meurent sous un préau, ça croise en beurre. Un piston plein la gueule, de blocs de béton, un gisement de haine, j'ai 10 ans de la peine à y croire, à écrire. Depuis le plan de l'école, ça colle à l'épaule, mes bras me pôle positionne. Maintenant je tiens debout seul sur le sol. Et si le là, tu places en est pour moi, ou toi dans ton dos, quelqu'un bute ton ref ou ta rose pour un tampon moins tatou. Attends-toi à tout voir dans ce monde titanique. Le peuple, ma Bible m'indique le chemin. Mais t'es au courant, la haine circule dans tout type de véhicule. Du métro à la Merco, à la merci, non merci, Scurfy, préfère le mercier. À Dallas, au côté obscur. Pauvre femme sur un corps en larmes, la vie d'un gosse croise la route d'une balle, la mort fait du charme à l'âme, ce drame désarme les plus forts, les plus fous, froid fondé de pouvoir à tort, pointe le doigt et condamne à mort. On sait plus à quel saint se clouer. Depuis que les curés jouent avec des saintes jeunes, ça fait gerber quand ça tripote au lieu de prier. Ailleurs on rêve de pain au chocolat pour 4 heures, c'est pas la lune, mais le ciel est mal luné, Dieu n'est pas de bonne humeur, les êtres naissent et partent. Pourquoi faut-il qu'entre les deux certains souffrent, sombrent dans un gouffre où ça sent le souffre. Ta blouse est tout le monde avec ton paradis. Ici on vit l'enfer dans l'enfer où on survit pour un grain de riz béni. Combien de gens pris à perte, trop occupés à jouer sur une autre planète. Tu vois même pas les corps inertes qu'on jette. Je croyais que t'avais souffert pour nous mais t'en as oublié. Maintenant ouais, on y est jusqu'au cou et jusqu'au bout. Enfant de tout horizon blond, brun avec détresse. Quand j'en vois en détresse dans mon cœur ça laisse des traces. Tu vois que je suis triste. Les mérites m'emportent les cicatrices. Que le coup que j'ai dans la bouche, tu es le même chaque fois tu m'ouvres. Voir un gamin en détresse, dans mon cœur ça laisse des traces. Tout ça pourquoi? Parce que c'est pas le tien, ta peau. Il a pas le teint, pour lui t'as pas le temps. Pardon, changerai pas ton et c'est pas ton. Nerf de patron sens pour la patrie. Tu vas te racheter partout avec ça, t'es mal parti. Si tu pars sous cette optique, pas étonnant, ça part en sucette. Faut que ça suscite la réflexion et tous ces soucis de travaille comme un sorcier, l'essentiel qu'un sorcier. Comptez sur mon punch pour mener les mains à tes poches. Rien ne t'empêche de donner une pièce avec tout ce que tu empoches. N'attends pas que naisse ton fils pour mettre en finesse ton vice. Et que la vie soit une misère pour qu'à mesure ce que je vomissaire. Devant les mômes taxes, escadron de la mort aux trousses. Avec l'escouade, brasse le cruziros, tous vive la mort aux trousses. Mince, tu au travail, les ménages. Le père se flingue des ménages, au bar, ivre mort, unique son ménage. Entre cartes et dominos, tatouage étrange, pointillé au poignet, grosse croix et ramsa au phalange et l'ange, saute l'adolescence. Premier coup de flasque aux touristes, vint dans la cellule, on côtoie les grands. Ouais, les grands de ce monde sont des merdes. Et ceux qui font main basse sur les corps des gosses, des familles dans la merde, je les buterai. Ils méritent d'être traités comme des chiens. Et tous les jours parler détenus, droit commun, j'enverrai dans ces séquences sur les mines qu'ils financent. Excusez de leur péché en bouffant lorsqu'ils sont éminents. C'est trop facile et bien trop lourd à porter pour de petites épaules quand on a que la rue comme école. In a flood of tears, so restore my fear. Hit remorse and war near down. Here we got babies on the battlefield, trained to kill or be killed, living hopeless. Their only choice is do or die. How many times you heard the story being told, but the world remains cold. Yeah, but not the children, cause you don't have the least idea what they're feeling. Just imagine that catastrophes and tragedies these kids go through. The face too cruel, use, abuse, abuse, confusion, fused from the truth. Want to see the news, the devil is the only one amused. A misled use, a million ways I want to choose those news. Yes, it's wrong in history, it's informal to. Every day the rate of death increases. Jesus, I want these diseases. Hell, hard to tell. I wish my ride was a well. I wish it rained juice and bread over the land of Sudan. And see every child become a man one day. De tristesse, de gosse que le destin a pris de vitesse. Qu'est-ce qu'il faut en déduire qu'une fois les pieds sur terre? Le système t'appelle fiston, file ton numéro. On file, on s'échappe pour une vie à la carte, on fuit le fardeau. Certains n'ont pas la chance d'éviter l'assaut. Sort de celui qui a la courte paille. Bataille à perpétuité, ouais. Dès la maternité amputée de la joie, du sourire, mourir le cœur déjà froid. Les espoirs s'évaporent quand l'effort de survie nuit aussi au plus fort. Là-bas, il n'y a que le moissonneur de vie qui mange à sa faim. Et toi, si tu le peux, fais-le. Un frein, c'est rien. Et visto mon challenge, c'est nous là. Il día sin sol, pero la fase oscura de la vida es todavía peor. La guerra siembra el dolor y el terror, dejando un sabor amargo y suma el olor. La lágrima se mezcla con la sangre con la tierra con el hambre con la enfermedad la flexión con la muerte. Cabrón, y tú te quejes, toma la suerte, no es suerte sin esfuerzo. Si dices que te verso, a todos los niños indefensos, pero se representa todo el universo.